histoire particulière. Dans le sud de l'Inde, Ganesh, le dieu éléphant, est le dieu le plus vénéré en Inde. Qu'il s'agisse de ses bras, des objets qu'il porte ou même de la souris que l'on voit souvent avec lui, tout a un sens, une symbolique, vouée à nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes ainsi que le monde qui nous entoure. La tête d'éléphant symbolise les qualités de l'animal, calme, sage et fort. Les grandes oreilles traduisent que le fait d'écouter est capital. Les petits yeux matérialisent la concentration sur la tâche à accomplir. La hache pour couper les liens de l'attachement au désir matériel. La bouche, parler moins et valoriser nos mots. Un grand estomac pour digérer paisiblement tout le bon comme le moins bon dans la vie. La corde pour tirer une personne loin du mal de ce monde et nous tirer vers le bien que nous recherchons tous. La souris qui symbolise ici le désir qui doit être contrôlé. Les défenses brisées pour analyser le bien et le mal dans le monde et ignorer ce qui ne nous sert pas. Enfin, la trompe, partie cruciale pour un éléphant grâce à laquelle il s'adapte à son environnement comme nous devrions le faire. Et comme vont essayer de faire Hélène Bigot et Véronique Lamandour dans le documentaire qui suit. Nous voici aujourd'hui dans les coulisses du doyen des cirques de Paris, le cirque d'hiver. Derrière le rideau de piste, dans une demi-pénombre, le micro est en place avec son fidèle serpentin de caoutchouc. Autour de nous s'agite le peuple du voyage, scintillant de strass et de paillettes. J'ai vu arriver tout à l'heure une roulotte verte et blanche. Dans la roulotte, il y avait des lits de poupées, une cuisine de Lilliput, une femme blonde de robe centrale à l'accent guttural, aussi violent que les grognements des bêtes qui l'accompagnaient. Ces bêtes étaient des ours, solides, fort musclés, au beau pelage, gueulantes à qui mieux dans la voir turcage. Nous les entendrons tout à l'heure. Il y a aussi des phoques, plongeant et chavirant comme des champions de water polo dans l'eau glauque de leur bassin ambulant. Ici se prélassent des cacatoès aux mille couleurs. Dans leur box, des éléphants s'ennuient, mais pour leur apporter une distraction, la musique d'un jeudi au cirque éclate, pétaradante, accompagnée de rires enfantins. Autant le lion, le tigre sont des animaux fascinants, mais on perçoit que la bête est dangereuse. Autant l'éléphant, même s'il l'est également, autant l'éléphant à côté, il est rond d'abord, il est plutôt débonnaire, il est... Et je crois qu'il y a un phénomène d'attachement aussi à un animal aussi charmant. C'est un animal qui est très accaparant. Quand vous le soignez, vous mangez quand eux ont mangé, vous dormez quand vous savez qu'ils sont bien, qu'ils sont couchés, vous ne pouvez rien faire d'autre, vous restez avec eux constamment. La piste aux éléphants. Épisode 1, sur la trompe. Véronique Lamandour et Hélène Bigot. Sous un soleil écrasant, les plaines du Zimbabwe s'étendent à perte de vue. Dans un nuage de poussière, les éléphants d'Afrique apparaissent par centaines et d'une marche lente gagnent de grands lacs où ils se baigneront bientôt. Rien ne semble pouvoir les arrêter. À des milliers de kilomètres de là, dans l'ambiance électrique d'un chapiteau de cirque, des humains attendent l'un d'eux. Sous les projecteurs, il entre en piste. Il fait le poirier. D'un coup de patte, il appuie sur la bascule. L'acrobate voltige dans les airs et atterrit sur sa nuque. Tonnerre d'applaudissements. Des éléphants comme lui, capturés en Asie ou en Afrique et revendus à des cirques en Europe, il en existe aujourd'hui une dizaine en France. C'est l'histoire d'un éléphant pour lequel les hommes se déchirent. C'est l'histoire d'un éléphant de cirque. Si nous allions voir les éléphants, ils sont à côté là. Voilà les éléphants. La ronde du cirque. Pour les grandes majestés de la jungle. RTF. Dites-moi, mon ami. 1951. Comment s'appelle ce grand vieillard? Le plus grand s'appelle Frida. Frida, c'est une éléphante. C'est une éléphante, c'est toutes des femelles. Ah, toutes sont femelles. Toutes sont des femelles. Et le plus jeune, quel âge a-t-il? Le plus jeune, à 4 ans, c'est Dumbo. Dumbo. L'éléphant volant. Ah, c'est celui-là qui est arrivé par avion d'Indochine. En 48, au mois de février. C'est extraordinaire. Dites-moi, mais ils travaillent tous en piste? Ils travaillent tous en piste, oui. Frida, Platz, hier. Frida. Bonjour, ma fifille, bonjour. Voilà qu'elle allonge la trompe. Bravo, Frida, bravo, ma fifille. Est-ce qu'elle chante de temps en temps? Oui, elle chante. Faites-la donc barrir. Nous savons, par des chroniqueurs du temps, que Pline l'Ancien, donc là nous remontons évidemment à l'Antiquité, a vu des éléphants dans l'arène du Circus Maximus à Rome, Des éléphants qui, semble-t-il, étaient capables de se déplacer sur deux fils parallèles, donc des éléphants funambules. Pascal Jacob. Donc, est-ce que le cirque romain est un cirque au sens où nous l'entendons ? Historien du cirque. Non, probablement pas, mais nous sommes bien en Occident et il y a bien déjà des éléphants auxquels on fait faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire dans la nature. Les Romains consommaient des éléphants aussi, y compris pour les jeux du cirque et les jeux d'amphithéâtre, et donc, évidemment, avaient de gros besoins, donc acheminaient eux aussi des milliers d'animaux. Donc une première, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Une première extinction très localisée remonte à l'Antiquité romaine, puisque vous aviez des légions entières qui ne faisaient que ça, hein, qui ne se battaient pas, qui ne servaient qu'à capturer des animaux sauvages, donc des fauves, des éléphants, etc. Et elle les acheminait vers Rome. Donc pour les jeux. Alors, j'aime pas beaucoup le mot jeu parce que on sait bien à quel point c'était sanguinaire et que c'est évidemment pas le terme le plus approprié, mais c'est le terme latin. Il faut ne jamais oublier que pour l'inauguration du Colisée, on a tué 10 000 animaux en une semaine. Donc c'est 10 000 animaux alors que le Colisée a été actif pendant 2 siècles. Coralie, ah ouais, c'est dans une banlieue de Londres, un beau jour de l'année 1768, que naît le spectacle de cirque. Un certain Philippe Astley, excellent cavalier, présente ses exploits d'acrobatie à cheval aux yeux d'une foule aussi médusée qu'intriguée. La piste est circulaire, les numéros sont sensationnels. Tous les ingrédients sont en place. Mais nous sommes dans une véritable jungle ici. Dites-moi, il y a là-bas les éléphants ? Il y a les éléphants, oui. Nous allons aller les voir. Durant plus d'un siècle, le spectacle de cirque se développe sans animaux sauvages. Mais un matin de 1848, sur le port de Hambourg, un homme va changer le cours de l'histoire. Karl Hagenbeck est un poissonnier, donc il reçoit tous les jours, ou quasiment tous les jours, une cargaison de poissons. Et puis un jour, il reçoit trois phoques vivants, en plus de sa cargaison de poissons. Donc, il aurait pu les tuer, il aurait pu en faire de la viande, et voilà, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais il a l'idée, l'intuition, la vision de les mettre dans une cuve de bois remplie d'eau, de mettre un rideau devant, et de faire payer quelques pfennigs à l'époque, quelques sous, on imagine. Et il se rend compte, évidemment, très, très, très vite qu'il gagne plus d'argent en travaillant le rideau pour voir les trois phoques qu'en vendant des poissons morts. Et donc, il se dit qu'il vaut mieux arrêter le poisson et se lancer dans un autre commerce. Et il va profiter d'avoir ses deux fils pour les envoyer dans le port de Hambourg, qui est un immense port, évidemment, à l'époque, déjà. Et ils vont donc acheter des petits oiseaux, des petits singes, etc. Et puis il va développer un commerce. C'est vraiment une vision. Là, pour le coup, il est vraiment visionnaire. On peut contester, d'accord avec cette vision, mais il est visionnaire. Allons, Frida, chante un peu. Très rapidement, la famille Hagenbeck va rationaliser, envoyer des expéditions de capture aux quatre coins de la planète, aller chercher au plus profond des jungles, des déserts, les animaux dont ils pensent qu'ils seront désirables, qu'ils vont mettre sur leur liste, ensuite les conserver, les garder en vie, surtout, dans des stations, donc avec des constructions, des enclos, des cages, etc. Mais encore une fois, on parle de milliers, parfois de dizaines de milliers d'animaux, on ne parle pas de quelques centaines, hein, c'est tout à fait incroyable. Et ensuite, on les achemine, comme faisaient les Romains, avec des chariots, des camions après, des bateaux. Et bien évidemment, plus il y a d'offres, et donc plus le secteur se développe, donc les ménageries vont se multiplier, les cirques vont se multiplier, le commerce va évidemment se développer, et pendant toute la seconde moitié du 19e et une bonne partie du 20e siècle, l'animal sauvage va devenir un élément constitutif du spectacle de cirque. Et donc, évidemment, l'éléphant va en être, sans aucun doute, l'animal le plus emblématique. C'est-à-dire que tout le monde va rêver d'avoir 1, 2, 3, 10, 15, 50 éléphants. Les Américains vont être d'énormes consommateurs d'éléphants parce qu'ils vont partir du principe que c'est un animal visible. Et à partir de 1880, on va développer les cirques à trois pistes aux États-Unis. Et donc, évidemment, trois pistes, ça suppose un très grand chapiteau. Donc, on comprend bien que des teckels ou des perroquets, ça se voit pas bien. Tandis que des éléphants, ça remplit l'espace. Children of all ages, John Ringling North welcomes you to the greatest show on earth. Get with it. You've got 4.5 minutes. Brad, you better watch Angel tonight. The grapevine says she's in for trouble. Klaus, the greatest elephant trainer in the world, presents his marvelous mastodonic mammal. Aux États-Unis, l'éléphant devient l'emblème du cirque. Et Jumbo, l'éléphant racheté aux Anglais par Barnum, la plus grande star animale que l'Amérique ait jamais connue. C'est l'escalade. Les cirques rivalisent par leur taille et le nombre de leurs éléphants. Le record est atteint au printemps 1887, lorsque les cirques Barnum et Fort Poe s'associent pour présenter un spectacle de 60 éléphants au Madison Square Garden, à New York. Daniel Suskov, dresseur de fauves et d'éléphants, a travaillé au cirque Barnum. À son arrivée aux États-Unis en 1981, il est ébahi. Ils ont des fermes et les animaux sont vraiment domestiqués au maximum. À l'éléphant, vous avez des éléphants, ils sont presque humains. Les éléphants, on les mélangeait, on arrivait à des éléphants qui ne se connaissent pas. Du moment qu'ils étaient avec leur dresseur, on était deux ou trois dresseurs avec deux ou trois groupes d'éléphants différents, on les mettait ensemble, on les montait les uns sur les autres en pyramide et tout, sans aucun problème. Du moment que le dresseur était là, de chaque groupe était là, il n'y avait aucun problème. Ça servait aussi à l'époque, l'origine en Amérique, c'est pour monter les chapiteaux. En Amérique, ils s'en sont servis énormément, beaucoup plus qu'en Europe. Eux, ils s'en servaient énormément pour le montage des chapiteaux. Oui. Il y a une dizaine d'années à peu près, je me suis retrouvé dans une toute petite ville des États-Unis, dans l'Illinois, qui s'appelait Paris, avec une jolie tour Eiffel en métal rouillé à l'entrée de la ville. Il y avait un petit chapiteau et on devait aller là pour rencontrer un dresseur d'éléphants. Et puis il y a eu une annonce de tornade, donc il n'était plus question de jouer. Il était même question avant tout d'évacuer le chapiteau et de démonter la toile. Et puis il y a eu le shérif est arrivé avec la voiture, avec le gyrophare, pour faire évacuer le chapiteau d'envisager en tous les cas un démontage accéléré. Et le ciel est devenu orange et violet. Il y a eu un peu de vent, bon, c'était pas terrible, mais donc ils ont évacué le chapiteau. Et en fait, on a fait venir deux éléphants qui ont commencé à sortir avec leur trompe en cédant avec une patte les piquets qui étaient enfoncés dans le sol. Et ils ont, mais avec une facilité déconcertante, il aurait fallu des heures pour pouvoir extirper, sortir ces pinces de métal qui font parfois 1,50 m, 2 m de long. Et l'éléphant, sans effort apparent, évidemment, j'imagine qu'il en faisait quand même un petit, a sorti les piquets un par un, très calmement, très posément. Et c'était vraiment, on va pas dire dantesque, mais quand même, le ciel orange, l'éléphant avec un peu de boue qui sortait. Enfin, il y avait quelque chose de tout à fait fascinant. On était de retour dans les années 20, quoi. C'était très, très, très impressionnant. Et on se rend compte à quel point, effectivement, ces animaux, dans des situations parfois un peu compliquées, pouvaient être des secours vraiment, vraiment importants. Comment s'appelle ce jeune macaque ? Un ouistiti. C'est un ouistiti, un véritable ouistiti. Oui. Quel âge a-t-il ? Oh, je sais pas, on a acheté ça par un marin, alors... C'est un marin qui vous l'a amené. Ah, voilà ce ouistiti qui saute sur le micro à l'instant même. Il le prend certainement pour une friandise. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, ouistiti ? Fâché ? Pourquoi cela ? Très vite, les ennuis se succèdent. En 1903, l'éléphant de Topsy, qui a tué deux hommes, est électrocuté publiquement dans le parc d'attractions de Coney Island, à New York. Quelques années plus tard, c'est au tour de l'éléphant Big Mary d'être exécutée. Après avoir tué son dresseur dans un accès de colère, elle est pendue le 13 septembre 1916 dans l'État du Tennessee. L'éléphant ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Si vous faites une erreur avec, il faut toujours anticiper, il faut tout prévoir, il faut être bien, il faut être sérieux avec, il faut faire le travail comme il faut. Il faut avoir un caractère assez fort, être comme un officier, comme un militaire, vous donnez vos ordres, et on obéit, L'éléphant boit, mange, tout au commandement. Il est dirigé entièrement. Sa vie est dirigée, mais toujours avec cette main de velours, toujours être calme avec, toujours lui donner, lui inspirer confiance. Si un animal perd cette confiance, si l'animal a peur de vous, il perd automatiquement cette confiance. Et là, il peut devenir vraiment très dangereux. Un éléphant, si un éléphant vous en veut, moi, il y a des expériences comme ça qui sont arrivées, un animal qui vous en veut, l'éléphant vous aura automatiquement. Vous ne pouvez rien faire contre. C'est une masse. Il ira vous chercher dans un trou de souris. Là où vous êtes, il ira vous prendre. S'il vous en veut, s'il n'a plus confiance en vous et qu'il ne vous aime pas, c'est fini pour vous. Dès le milieu du 19e siècle, des voix contestataires s'élèvent. Elles dénoncent la condition des éléphants de cirque, la violence du dressage, et s'interrogent. Les animaux souffrent-ils? S'ils sont doués, comme nous, d'une intelligence et d'une sensibilité, le divertissement des hommes justifie-t-il leur captivité? Deux camps se dessinent bientôt, dans une opposition ferme et définitive. C'est le début d'un combat sans merci qui ne fera que s'intensifier jusqu'à aujourd'hui. En France, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, créée en 1977, s'oppose franchement à l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe, est l'un des membres de ce groupe de réflexion. La science a pu casser les tabous et montrer que tous ces animaux, restons les mammifères et les oiseaux pour commencer si vous voulez, sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on avait pensé. Ils n'ont pas le langage, mais sur le plan du vécu émotionnel ou de l'intelligence, ils nous ressemblent beaucoup. Une renarde qui aime ses petits, les aime comme nous aimons nos enfants, elle est capable de sacrifier pour eux. Ils ont une très forte mémoire comme beaucoup d'entre nous. Pas aussi forte que la mémoire humaine, mais enfin quand même. Ils ont des capacités d'altérité, c'est-à-dire d'aimer ou d'aider un congénère en difficulté. Ça a été démontré chez les singes et même chez les rats. Et les éléphants, bien sûr, il y a des anecdotes qui disent ça. Il n'y a pas eu d'études en tant que telles chez l'éléphant, mais on a décrit beaucoup d'anecdotes qui montrent que les éléphants viennent en aide à un éléphant blessé, par exemple. Donc, l'idée, c'est que toutes ces données montrent que tous ces grands animaux, ces mammifères et ces oiseaux, sont très proches de nous, et donc, qui ressentent la douleur et la souffrance comme nous, et donc, ils mériteraient d'être traités beaucoup mieux que nous les traitons. Et il faut bien voir que nous les traitons de façon abominable, hein. Je ne vais pas revenir sur les élevages en batterie et tout le reste, sur les abattages, mais même pour les éléphants, l'éléphant d'Afrique n'est pas bien domestiqué, mais l'éléphant d'Asie est domestiqué, et domestiqué, ça ne veut pas dire être traité gentiment. Ça veut dire que très souvent, on prend l'animal sauvage, on le casse physiquement et moralement jusqu'à ce qu'il obéisse, et il ne veut pas. C'est extrêmement dur comme traitement. En d'autres termes, ce n'est pas une sinécure d'être un éléphant domestiqué. Alors, bien sûr, je ne peux pas exclure dans des cas rarissimes, il y a quelqu'un qui s'attache à son éléphant et qui a un rapport de sympathie. Mais je t'en dis que c'est l'exception qui confirme la règle. Bien, alors tout d'abord, je dois préciser que les animaux sont des êtres vivants à part entière, qui pensent et qui souffrent. Ils ont tout simplement une autre forme que nous. France Inter, 31 décembre 1978. Nous dénonçons, nous, les mauvais traitements que subissent les animaux dans le cirque, parce qu'ils y subissent la captivité, et ça, personne ne peut dire le contraire. Ensuite, le dressage n'est qu'une longue suite de brutalité. Quand j'entends ces messieurs prétendre qu'ils aiment les animaux, alors là, franchement, c'est exagéré. Parce qu'ils aiment les animaux comme les négriers aimaient les esclaves. Ils les mettaient dans les cargos et ils les faisaient travailler au fouet. C'est exactement ce qui se passe dans le cirque. Oui, mais Monsieur Bouglione, et je vais poser la question à Alexandre, Monsieur Bouglione nous disait qu'il ne peut pas y avoir de spectacle de cirque véritable, sans animal. Ça existe, monsieur, il s'en est déjà produit, il s'en produit, et je pense que le public, et principalement les jeunes, qui s'intéressent à la nature et qui voient absolument bien ce qui se passe dans les cirques, c'est-à-dire que les malheureux animaux sont traînés de ville en ville et ils ne sont là que pour faire de l'argent, se détourneront de plus en plus des cirques où on exploite les animaux. Alors, en quoi ils sont maltraités au cirque, les animaux ? Eh bien, monsieur, écoutez, les pics dont on se sert pour mener les éléphants, les gourdins qu'on casse sur la tête des tigres. Non, là, mais monsieur. Non, écoutez, Sergio. Il faut répondre. Mais non, monsieur Lecar. Je vais donner une réponse à madame. J'avais donné la parole. Madame, s'il vous plaît. Donnez-moi la preuve de ça. Qu'on brûle les pattes des ours pour les faire danser, je vais vous donner un fer rouge. Et vous allez venir chez moi, brûler les pattes des éléphants. Attendez, laissez-moi parler. Et si vous ressuscitez, si vous allez réussir votre expérience, je ferai un don d'1 million nouveau pour une œuvre à Paris. Alors donnez-moi la preuve. Vous pouvez me donner 1 million nouveau tout de suite, parce que moi j'ai vu des ours frapper avec un... Où à Paris. Où et à Paris. Qui, Paris. Où et qui madame, c'est vrai, je suis... La Cinda, il y avait un vrai rapport entre moi et elle, de force, de rapidité, d'agilité. Et puis quand elle donnait un à-coup, elle voyait qu'elle me faisait mal à l'épaule. Ensuite, quand je mettais ma jambe dans sa bouche, ensuite, quand je faisais le saut, j'arrivais sur son dos, elle se mettait debout sur les pattes arrière. Ça, je dirais que c'est l'exercice le plus formidable. Quand l'éléphant se met debout sur les pattes arrière et qu'on monte sur la tête. Parce qu'il est parfaitement conscient qu'il doit être concentré. Parce que s'il n'est pas concentré, il risque de vous faire tomber. Et en plus, il risque de tomber lui-même. Joseph, on dresse les animaux par la douceur. Demandez à n'importe quelle personne comment, d'abord tout le monde peut être dresseur, comment qu'un particulier qui a un chien, qui veut lui faire faire le beau, comment il fait? S'il lui donne un coup de bâton ou un bout de sucre? Vous donnez des bouts de sucre à votre sucre, hein. Non, vous détournez toujours la question. Non, il n'est pas question d'un animal chez un particulier, mais du dressage professionnel. Vous brisez la volonté des animaux pour qu'ils obéissent au doigt et à l'œil et à l'heure que vous voulez. Au cœur du débat, un instrument cristallise tous les désaccords. C'est l'ancus. D'une quarantaine de centimètres, ce manche surmonté d'une pointe en métal est utilisé par les cornacs pour le dressage des éléphants. Décrit comme un simple guide par les uns, il est considéré comme un véritable instrument de torture et de coercition par les autres. Sur la piste, il est constamment à vue des éléphants. Le crochet, c'est l'instrument de direction ancestral. C'est le volant de direction d'éléphant. Vous n'avez rien d'autre pour diriger cette masse de 4 tonnes. C'est tout. Et quand vous savez vous en servir, vous lui donnez ces petites impulsions. Derrière la jambe, vous le prenez, vous le tirez, il va obligatoirement, il va suivre ses commandements, ses ordres, et surtout les commandements après vocal. Mais ce n'est pas un instrument de torture. Il faut vraiment savoir s'en servir. Et après, pour éduquer l'éléphant à lever la patte, voilà, vous allez placer le crochet derrière la patte, au niveau de juste au-dessus du pied, et là, vous allez donner l'indication à l'éléphant, et dès qu'il va décoller, ne serait-ce que d'un centimètre du sol. Vous lui faites « bravo !» Parce que l'intonation de la voix est importante aussi. L'éléphant, vous lui dites « ir », il vient gentiment, il dit « si vous lui dites « ir », il va comprendre que là, il a peut-être été un peu trop loin, ou alors il va falloir qu'il mette le turbo. Là, il y a vraiment des intonations. On parle en anglais ou en allemand, ça c'est dû aux colonies. Les colonisateurs étaient allemands et anglais. On a gardé la même origine anglo-saxonne du langage. Donc l'éléphant comprend déjà par la voix, par l'intonation de la voix, et on va aussi récompenser l'éléphant, non seulement par une gourmandise, alors ça peut être une pomme, une carotte, une friandise, et une caresse. Donc vous avez tous les sens qui sont en éveil. Vaino Bright, écarte les pattes, d'un coup baisse la tête, Ringu, lève la trompe, Atri, délie, attrape, prend, tiens, etc. Et la punition n'est pas nécessaire. La punition? Non, la punition, mais si vous punissez... Les punitions, déjà, l'absence de récompense chez un éléphant, vous ne donnez pas de récompense, c'est déjà une punition. Vaut mieux éviter tout conflit avec un animal de 5 tonnes. Moi, je vous le dis tout de suite. Je maintiens que la douceur est beaucoup mieux pour le dressage. Bravo, Jackie Rex. Oh, combien nous sommes d'accord. Parlez-nous maintenant des éléments, des éléphants. Bah écoutez, pour le dressage des éléphants, c'est assez compliqué, mais c'est assez facile aussi. Mais enfin, il faut déjà beaucoup d'hommes, il faut des palans, il faut des choses. L'éléphant est un animal très intelligent, et quand il ne veut pas faire quelque chose... Trop intelligent, peut-être. Beaucoup trop. Car il a le souvenir, alors, c'est ainsi qu'il tue son cornac ou son dresseur. Ah, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en Italie. Là. Parlez-nous. En Italie, j'ai un camarade qui est dompteur, qui faisait la cavalcade avec les éléphants, monsieur Van Ben, Joseph Van Ben. Joseph, mais je connais très bien Joseph, il vient d'avoir un accident. Il a eu un très grave accident, les deux clavicules cassées par un éléphant. Et soi-disant, il ressemblait au cornac. qu'il le cornac lui avait certainement fait du mal. Et à la cavalcade, l'éléphant l'a pris dans sa trompe, l'a jeté en 2-3 fois en l'air. Et c'est une forte cochère qui l'a sauvé, il a pu se faufiler dessous. Sans ça, il aurait été tué. Oui, l'animal de rage. Le massacre. C'est le massacre. Il l'attrape et il écrase, il jette en l'air et c'est le massacre. Excusez-nous de ce petit incident. Le spectacle continue. Progressivement, les contestations gagnent en intensité, en arguments et en nombre. Aux États-Unis, dès les années 1980, le combat fait rage entre les cirques et les associations de défense des animaux, comme PETA, pour une éthique dans le traitement des animaux. En 2009, un événement fait date. Cette fois, l'attaque provient de l'intérieur. Quelques mois avant sa mort, Samuel DeWitt Haddock, un ancien dresseur du cirque Ringling Bros Barnum & Bailey, rédige une note de 15 pages accompagnée de ses photos de travail. Dans cette lettre confiée sous scellé à la directrice de l'association PETA, il dévoile la technique de dressage des éléphants du grand cirque américain. Lorsque les bébés de 18 à 24 mois sont sevrés, on enchaîne leur mère à un mur. Nous accrochons des cordes à chaque patte du bébé. Puis les cordes sont accrochées à des poteaux. Le bébé essaye constamment de s'enfuir et de résister aux cordes. Personne n'est autorisé à entrer dans la zone d'entraînement. Elle est complètement clôturée pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur. De la musique rock forte est jouée pour étouffer les cris des bébés et pour les habituer à la musique de cirque. L'ancus est conçu dans un but et un seul but. Infliger la douleur et la punition. Je le sais bien, j'ai assez eu l'habitude de les punir. J'ai vu des éléphants se faire battre dans mon travail à maintes reprises, sans savoir pourquoi ils étaient battus et ce qu'on attendait d'eux. Ils commencent alors arbitrairement à soulever une patte, puis l'autre, et espèrent qu'ils satisferont leur dresseur qui arrêtera alors de les frapper. En 2015, le cirque se sépare de ses éléphants. Et les ventes de tickets continuent de chuter. En mai 2017, après 146 ans d'existence et 36 ans de conflits avec les associations pour la défense des animaux, le plus grand cirque du monde, Ringling Bros Barnum & Bailey, met la clé sous la porte. Nous pensons que tous les animaux sauvages devraient être interdits dans les cirques. On n'est pas les seuls à penser ça. Il y a beaucoup de pays d'Europe, notamment en Europe du Nord, beaucoup plus civilisés que nous, qui les ont déjà interdits. Donc, il serait temps que la France se mette au diapason, si j'ose dire. L'idée, c'est qu'un animal sauvage, il est fait pour vivre sa vie d'animal sauvage, quand on peut, et le laisser tranquille, vivre sa vie, sans l'emmener à être une sorte de pantin rigolo pour faire amuser les foules, en faisant des contorsions, en général, assez absurdes, tourner sur un tabouret ou faire de l'équilibre sur un pied, pour des foules qui ne savent pas ce que c'est que les animaux. Donc, les animaux sauvages devraient, par définition, être interdits des cirques. La société d'aujourd'hui change, évolue, on sait bien. Les enfants même portent un regard différent sur ce qu'est le monde. Le cirque doit accompagner cette mutation, il doit accepter de se transformer et de comprendre ce que le monde est en train de vivre. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là, moi je pense, d'inéluctable. Sur la trompe, avec Pascal Jacob, Georges Chapoutier, Daniel Suskoff et Firmin Grus. Prise de son, Arthur Gerbeau, Olivier Dupré, Lucien Lefebvre et Éric Boisset. Mixage, Alain Joubert. Archivina, Aude Vassan. Coordination, Christine Bernard. La piste aux éléphants. Un documentaire d'Hélène Bigot réalisé par Véronique Lamandour. Demain, la suite à 13h30 de La piste aux éléphants. Pour le moment à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.